famille patrie argent. Car si je me suicidais, ça ferait plaisir à mon coiffeur. Il n'aurait plus à chaque année de me couper l'oreille par erreur. Car si je me suicidais, ça ferait plaisir à mon patron. Il n'aurait plus à se demander pourquoi je n'arrive jamais à l'heure. Car si je me suicidais, ça ferait plaisir à mes enfants. Il n'aurait plus à se demander quoi faire de leurs parents vieillissants. Car si je me suicidais, ça m'éviterait de perdre du temps. Tous mes problèmes seraient résolus. Travail, famille, patrie, argent. Si je me suicidais, ça s'appliquerait mes impôts. Dans la catastrophe, j'écrirais oui, mort, vivant bientôt. Famille, patrie, argent. Travail, famille, patrie, argent. Travail, famille, patrie, argent.